Un drame en mer, par Arkady Averchenko. Les matelots d'un schooner avaient pris un requin. Après lui avoir enfoncé un pied dans la gueule, ils le tirèrent sur le pont et lui ouvrirent le ventre. « Il sera intéressant, mes amis, de savoir ce qu'il a dans l'estomac, » dit le médecin du bord. Un matelot, d'un coup de couteau, ouvrit l'estomac du monstre et bravement y fourra sa main. Il en sortit un crâne humain, ainsi qu'un carnet de notes relié toile. Ce dernier était à peine abîmé par le suc gastrique du poisson. « Eh, les amis !» cria le mousse. « En voilà une tête de singe !»« Rien de semblable !» dit le docteur. « D'après la forme, c'est le crâne d'un sauvage préhistorique. Premier degré de développement. » Le second officier se mit à rire. « Je ne crois pas, docteur, que ce soit le premier degré. Je ne le crois pas » répéta-t-il. Le médecin le regarda d'un air étonné. « Et pourquoi pas ?» Les sauvages de l'Antiquité n'avaient pas l'habitude de noter leurs impressions sur un carnet relié toile, répondit en riant le jeune officier. « Je pense que le possesseur du crâne et celui du carnet sont le même personnage. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. » Du bout des doigts, le lieutenant se mit à feuilleter les pages collées du carnet, et soudain poussa une exclamation d'étonnement. « Tiens, tiens, c'était un compatriote !» Le médecin, stupéfait, s'approcha, et par-dessus l'épaule du lieutenant, contempla les lignes écrites au crayon. « En effet, pauvre malheureux, lisez un peu ce qu'il écrit, » dit-il. Le présent livre appartient aux membres du prof Sogreb, Veden Dirkin. Dimanche. Terreur. Terreur et encore une fois terreur. Notre vieille goélette de pêcheur amphitrite vient de couler par 30 brasses. Elle est allée à tous les diables. Seul le chef et nous six sommes sauvés. Nous montons la chaloupe sans savoir où nous allons. Heureusement, le chef avait emporté la boussole et la carte. Il prétend que la terre se trouve à 80 milles. En ramant bien, nous pourrons l'atteindre en 6 jours. Allons, frère, aux avirons. Lundi. Nous ramons, ramons toujours. On vient de compter les rations. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de vivres. À raison de 2 biscuits et d'un morceau de lard toutes les 24 heures, nous en avons pour 5 ou 6 jours. Nous travaillons sans cesse. Mardi. Toujours aux avirons. Cela devient bien fatigant. Soudain, le camarade Alyosha Gaïkine se lève et dit « Eh bien, camarade, c'est rudement dur de ramer ainsi, n'est-ce pas ?» La réponse ne se fit point attendre. « Bien sûr que c'est dur, mais que faire ?» Alyosha prend un air important. On dirait un orateur dans un meeting. Il est vrai que la canaille en a l'habitude. « Ça, dit-il, c'est du travail et tout travail doit être organisé. Et voilà pourquoi je propose de fonder immédiatement un syndicat professionnel des rameurs. Et cela pour la défense de nos intérêts prolétariens. » On ne dirait vraiment pas que cette proposition plaise au chef. Il se lève à son tour et les bras au ciel s'écrient. Voyons les enfants, est-ce possible, dans des moments pareils, songer à des associations professionnelles? Ramez toujours et que cela soit fini. Quand nous serons à terre, vous pourrez aisément fonder toutes les associations que vous voudrez. Non, dit Alyosha d'un ton ferme. Tu n'es qu'un vil fourbe, un ennemi du prolétariat, c'est maintenant ou jamais. À terre, ce sera trop tard, il faut s'organiser tout de suite. Allons, camarades, élisez un président. » Ceci, comme je vous le dis, est bien combiné. On voit qu'Alyosha est conscient et organisé. C'est du premier coup qu'il a touché l'endroit faible. Un beau cerveau, Alyosha. Sur ce, on s'arrête de ramer et on procède à l'élection. Bien entendu, nous votons tous pour Alyosha. Il ne pouvait en être autrement. Quand il lui apprit le résultat du vote, Alyosha, tout joyeux, se dressa. « Dans ce cas, je demande immédiatement la journée de 8 heures et pas de réclamation. » C'était vraiment risible de voir la tête que faisait le chef. On eût dit qu'il avait l'intention de pleurer. « Mais vous êtes tous devenus fous » s'écria-t-il. « A-t-on jamais vu des gens qui, d'un moment à l'autre, peuvent aller à 10 brasses de fond, se mettre soudain à parler d'une journée de 8 heures? Mais moi-même, je suis prêt à ramer pendant 15 heures d'affilée. Notre salut en dépend. Voyons, réfléchissez !» Alyosha ne se laisse pas démonter. « Nous avons assez réfléchi. La conscience des intérêts de classe s'est réveillée en nous. Et il n'y a plus de paroles inutiles, n'est-ce pas, camarade? Tout doit être fait comme je le dis. Voulez-vous voter par lever ?» On se mit à voter, et comme tout le monde se leva, la chaloupe manqua de verser. On m'avait élu comme secrétaire, cela est bien. Je ne m'attendais même pas à cette affaire. Mercredi. Nous avons décidé de ramer de la façon suivante, 4 heures avant le déjeuner et 4 heures après. Comme le déjeuner n'était pas bien substantiel, Alyosha décida de demander l'augmentation des rations. En cas de non-exécution des demandes, Alyosha menaçait de grève. Notre bourgeois de chef se mit à pleurer. « Mais c'est pour vous, bougre d'imbécile, que je garde les rations, vous allez tous crever de faim !»« Tout cela, ce sont des histoires de brigands !» dit Alyosha. « Une fois que le prolétariat produit, il faut qu'il soit bien nourri, sinon c'est le minimum de rendement. » Je dis. Ce matin, Alyosha sort de sa poche un petit calendrier, le feuillette, écrit tout joyeux. « Frères camarades, c'est aujourd'hui une grande fête. Personne n'a le droit de nous forcer à travailler. Jetez-moi ces rames. » Ça, on peut dire que c'est un homme intelligent. On aura toute une journée pour se reposer. Vendredi. C'est le premier jour de grève. Cette histoire eut pour origine une querelle d'Alyosha avec le chef. Notre président avait présenté bourgeois les doléances de notre profsogrèbe concernant les caisses de maladie et les assurances en cas d'accident. Comme le chef avait refusé carrément, nous nous mîmes en grève. Alyosha appelle cela « conflit avec l'entrepreneur ». Ça, c'est un cerveau. En Angleterre ou ailleurs, on l'aurait certes fait ministre. Il n'y a que chez nous où on ne sait jamais apprécier les capacités. Samedi. La grève se poursuit d'une façon normale. Encore 68 000 pour atteindre la terre. Nous n'avons plus de rations que pour demain. Si le chef cesse de nous nourrir, nous allons briser les rames. Alyosha appelle cela « destruction des outils de travail ». Les requins arrivent par bandes. Que nous veut donc toute cette ménagerie ? Dimanche. Les rations sont épuisées. Et pourtant le travailleur est obligé de se nourrir. Les requins ont l'air de devenir fous. Ils nagent tout autour de la chaloupe, nuit et jour. En voilà qui ne respectent pas la journée de 8 heures. Alyosha est un peu marri. Il ne dit plus rien et se confie dans un silence étrange. Quant à la mer, par contre, elle commence à se fâcher. Un nuage jaune arrive de loin. On dirait qu'il nous guette. Les requins semblent vouloir monter à bord. Alyosha en a même assommé un à coup de poing. Lundi. Orage. Alyosha pleure. « Pardonnez-moi, camarade, je suis un homme indigne de vivre. C'est moi qui vous ai perdu. »« Quelle sale lame ! Il en vient, il en vient ! Notre coquille de noix tient à peine, les requins ! Frère, est-ce possible ?» De la dernière lettre, un trait de crayon partait, nerveux, s'en allait jusqu'au bas de la page. On eût dit que quelqu'un avait empêché le secrétaire de Prof. Sogrèbe de continuer son journal de bord. Des pages blanches suivaient. « Quelle drôle d'histoire !» dit le médecin du bord. Longuement, il considéra le crâne, puis d'un tour de main, il le lança par-dessus bord. « Le pire de cette histoire, » continua le médecin, « c'est que personne n'y a gagné. » L'officier se mit à rire. « Comment personne ? Voyons, docteur, vous oubliez les requins. » C'était « Un drame en mer » par Arkady Averchenko.